Je sais pas combien était déjà là ce matin, atelier formation, parce qu'il y a une espèce de prolongement, même si c'était pas obligatoire, mais un prolongement naturel qui se fait avec l'atelier de ce matin. Donc je vais essayer un petit peu de déblayer rapidement la problématique en revenant sur des éléments qu'on a déjà mis en avant ce matin et sur lesquels moi je travaille depuis quelques temps. Ce qui est apparu ce matin et ce qui apparaît assez régulièrement lorsqu'on évoque la question des compétences sur les projets en humanité numérique, c'est qu'il y a forcément une variété de personnalités qui s'y investissent. Et ce qui ressort, en tout cas ce qui ressortait ce matin, c'est l'importance du développement d'une culture numérique préalable. Une culture numérique qui n'est pas nécessairement qu'une culture informatique, mais qui permette de dépasser un stage qui serait simplement celui de l'usage un peu simpliste et pas au contraire, c'est pour ça que j'évoque la question d'une culture technique qui renvoie en fait aux travaux de Gilbert Simondon, philosophe de la technique, qui considère qu'il y a deux états dans la technique, l'un qui est minoritaire, l'autre qui est majoritaire, et qu'évidemment si on envisage des formations aux humanités numériques, le but c'est qu'on forme des chercheurs qui soient majeurs face à la technique, c'est-à-dire qui en comprennent les présupposés, les fondements, et qui sachent quelque peu bidouiller et s'inscrire dans le code. On pourrait appeler ça un degré d'autonomie, c'est souvent un mot. Degré d'autonomie, même si le terme d'autonomie, j'en peux discuter. Est-ce que tu as un lien pour ta présentation? On mettra quelque chose. J'ai fait une autre intervention à Bordeaux l'année dernière qui reprend une partie des slides, en fait, un peu plus complète. Alors la question qui a été posée aussi, c'est l'ambition, hein, le degré d'ambition de la formation. On a parlé beaucoup ce matin d'inclusion dans les écoles doctorales et le fait que ça pouvait être un bon emplacement en plus de l'éventualité de développer des masters dédiés ou avec des modules. On pose donc la question assez rapidement d'une ingénierie doctorale dédiée à des projets mettant en scène des applications numériques. Question qu'on n'a pas trop abordé ce matin, je pense que ça va être le lieu pour le faire, c'est est-ce qu'il faut nécessairement savoir coder lorsqu'on rentre dans des projets avec des plateformes numériques, avec des projets d'humanité numérique. Question qui est soulevée par Dan Cohen. Et chez Dan Cohen, la réponse est plutôt quand même affirmative. Il y a un minimum de connaissances informatiques dans le code si on veut réellement, sérieusement s'y immiscer. Alors Dan Cohen, je donne le lien sur Twitter, Dan Cohen a développé d'ailleurs toute une liste de chercheurs qu'il a identifiés comme participants des projets Humanité Numérique. Il y en a 300-400 sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a tout un listing de chercheurs estampillés Digital Humanity. Il y a ce qu'ils appellent un registre qui a largement été fait par l'observation des réseaux déjà établis, mais aussi par la recherche des blogs. Tout ça est maintenant devenu une source pour compiler le site et le compte Twitter Digital Humanities Now, DH Now, qui est une source d'information magnifique. Il y a des Français aussi. Oui, dans le listing, il y a des Français, mais je vois ce qui était dedans. Oui, bien sûr, Pierre aussi, Marin. On est plusieurs, on est pas assez. La France est assez bien représentée ici. Alors, autre question très vite qui revient sur la question des compétences des chercheurs, c'est que arrive cette idée de métamorphose. Les chercheurs se transforment, nouvelles compétences, hybridation. Et je parlais déjà un petit peu ce matin du chercheur Alan Liu, et Alan Liu a écrit plusieurs articles sur les humanités numériques. Il considère que le chercheur est un petit peu en train de se transformer inévitablement avec le numérique. Et que c'est pas seulement le chercheur, mais vraisemblablement toute la science, et pas seulement les sciences humaines. Alors, heureusement, c'est pas une métamorphose à la Franz Kafka, c'est plutôt une métamorphose qui l'espère positive, et donc qui décrit plutôt la transformation du chercheur en une forme de coccinelle ou de libellule, qui n'est pas comme un clopin. Bonne nouvelle, mais bon, on va peut-être produire des clopins, je ne sais pas. Alors, la question. Très vite, vient la notion de littératie. La notion de littératie, notion anglo-saxonne, qui a émergé plutôt chez nos collègues québécois. Donc il y a trois sens principaux. Le premier, c'est la désignation de compétences. Compétences de base. Première chose, compétences de base, notamment lire, écrire, compter. Et surtout lire, écrire. Un deuxième sens qui fait que la littératie est associée à la notion de compétence de manière quasiment synonyme d'ailleurs, ce qui fait qu'on parle de digital literacy, littératie numérique, et par exemple d'information literacy, qui est littératie informationnelle, maîtrise de l'information, on traduit parfois par culture de l'information. Et un troisième sens qui est celui de qui est lié à une activité pédagogique. La littératie prend en compte l'activité de formation et donc les méthodes pour y parvenir. Alors, ce qui apparaît très très vite, c'est qu'il y a des proximités dans les enjeux, dans les méthodes de formation avec des territoires qui sont déjà en place, notamment les territoires de la formation à l'information, information literacy, où il y a déjà des aspects méthodologiques sur le traitement de l'information. Parallèle aussi en France, notamment avec l'information scientifique et technique. Alors, ce qu'on évoquait un peu ce matin sur l'inclusion de la formation au niveau doctoral, c'est déjà un travail qui est fait au niveau de l'information scientifique et technique. Donc, il y a des liens à creuser, à mon sens, ici. Interrogation qui a été faite aussi chez les Américains, parce que récemment, il y a eu un article faisait état d'une conférence entre Information Literacy et Digital Humanities, les liens qu'il y avait et en quoi les deux territoires pouvaient converger et trouver des terrains d'action communs. On a aussi une évolution assez similaire entre le monde des littératies qui est en train un peu de converger actuellement. Il y a un constat qui est celui de la convergence numérique. On parle notamment à Henry Jenkins, qui fait que des territoires autrefois cloisonnés comme la formation à l'information, la formation aux médias, la formation à l'informatique et au numérique étaient totalement séparés, désormais ont tendance à converger vers des territoires communs, vers des socles communs, et on parle d'ailleurs actuellement de translittération. Donc là, il y a une véritable convergence qui est en train de se produire, et c'est un peu la même chose sur le territoire du Digital Humanity. Ce n'est pas de translittératie qu'on parle, mais de transdiscipline. C'est bien le terme qui figure dans le manifeste. Alors, je passe sur literary ou literacy. Donc, c'est une notion de transversal et commun au territoire actuel des littératies et à celui des humanités numériques. Alors, on rencontre parfois d'autres termes que translittératie hein, dans les textes sur les humanités numériques, mais il y a toujours cette idée d'interdiscipline, de transdiscipline. Très souvent, les acteurs parle plutôt de transdiscipline, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà des disciplines. Même si on a vu qu'institutionnellement ce matin, la tendance est plutôt à garder des disciplines assez classiques en rajoutant des modules numériques ou simplement comme au King's College en rajoutant le digital devant les territoires classiques. La question que je pose d'emblée, c'est effectivement, si on parle de transdiscipline, qu'est-ce qu'elle recouvre réellement ? Alors, ce qui a été noté dans le manifeste, c'est qu'on était plutôt sur l'idée à nouveau de méthodologie. Je ne sais plus, c'est toi qui l'as dit ce matin, Aurélien, la méthodologie, c'est souvent le cheval de Troie. Alors, est-ce que les Digital Humanities sont cheval de Troie? C'est aussi l'avis d'Alan Liu. Il considère que les Digital Humanities sont en train de modifier totalement la science et son organisation. Et que ça ne se fera pas sans heurts, face. Important aussi, c'est qu'on est face à une coalition de métiers et de compétences, on l'avait un peu également abordé ce matin, mais dans les projets, on trouve aussi bien des chercheurs, des ingénieurs, des bibliothécaires, des archivistes, des profils un peu divers et variés, et que c'est une richesse qu'il faut savoir gérer et mettre en relation. Et s'il y a peut-être transdiscipline, c'est ce qui a été noté ce matin, c'est de réussir à trouver un territoire commun de dialogue entre ces différents métiers. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure sur l'idée d'une ingénierie au niveau du doctorat, peut-être une sorte de propédeutique doctorat, quelque chose d'atelier commun aux différentes disciplines en SHS. Ce ce qui me semble également important, c'est de réfléchir aussi à la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle s'écrit. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable modification des dispositifs d'écriture de la science ? Alors, clairement, la question des littératies, hein, sur l'écriture-lecture, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux outils à produire, de nouvelles pratiques à identifier et vraisemblablement, si ce n'est à institutionnaliser, tout au moins à reconnaître ? Qu'on reste souvent sur le même type de reconnaissance qui reste l'article scientifique et qui a vraisemblablement d'autres dispositifs comme la production de données un peu organisée. Enfin, il y a d'autres choses à valoriser, y compris jusqu'au carnet de blocs. Voilà. Je passe sur les références plutôt philosophiques de Stigler. Autre point au niveau compétences, c'est pas seulement des compétences de chercheurs véritablement qui sont en train aussi d'émerger, c'est qu'il y a des processus organisationnels, institutionnels qui sont en train d'arriver, que ce soit pour monter des projets, que ce soit aussi pour envisager des actions un peu de lobbying. Comme disait Antonio ce matin, Digital Humanities, derrière, il y a une question de communication très nette. Ce qui revient très souvent dans les ateliers, c'est l'idée que plus ça va, plus on est clairement dans des dispositifs où il faut collaborer efficacement et la pression est telle le plus rapidement possible. C'est un territoire totalement commun actuellement avec les littératies où tout le monde observe et cherche à développer les moyens d'améliorer une culture de la collaboration et de la participation. Évidemment, incompatibilité hiérarchique, à mon avis, on n'évitera pas ça, sachant qu'on va se retrouver avec des projets parfois assez lourds qui vont être portés par des chercheurs, voire des jeunes chercheurs, qui vont réussir ou pas réussir, et qui peuvent rentrer en porte-à-faux avec des institutions un peu plus stabilisées et reconnues. Sachant aussi que rentrent en jeu des questions de reconnaissance par popularité qui vont se confronter à des aspects de. Lié à l'autorité. Incompatibilité aussi entre la distinction assez gênante entre travail et loisir, qui devient de plus en plus difficile selon moi à distinguer lorsqu'on a une forte inclusion dans les réseaux au niveau du numérique. Ce qui pose effectivement aussi problème. L'explosion des collèges invisibles, c'est que plus ça va, plus on travaille de manière réticulaire, que nécessairement on peut se sentir beaucoup plus proche d'un collègue qui a des millions de kilomètres. Des milliers de kilomètres, mais avec qui on travaille régulièrement, plutôt que son collègue de laboratoire qui est à proximité, que nécessairement il y a de nouvelles configurations, presque trans-institutions ou sous-institutions qui sont en train de se créer, qui là aussi mériteraient peut-être une meilleure reconnaissance. Voilà, donc sur la métamorphose du chercheur. En quoi allons-nous nous transformer avec ces évolutions de compétences ? C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein. Évolution de. À la New voit les Digital Humanities comme un alien. L'alien, à la fin, il finit par transformer tout l'écosystème dans lequel il évolue. Question déjà un petit peu ancienne, celle du chercheur 2.0 que j'avais déjà évoqué avec un collègue Gabriel de Galezo il y a 2-3 ans. Et notant sur le fait que finalement. Les collègues qui avaient déjà des pratiques avancées en matière de numérique, en matière de communication, de veille, de recherche d'informations n'étaient pas si nombreux que ça. Et que nécessairement aussi sur une enquête, il faudrait essayer de mesurer quel est l'état du terrain actuel sur ces réelles compétences de 2.0. Autre problème, c'est l'idée d'un chercheur Shiva, c'est que plus ça va, plus on nous demande de faire plein de choses, on ne peut pas tout faire. D'une un certain temps, il va bien falloir essayer d'avoir une forme d'humilité épistémologique. Ça, c'était un élément qui était retraduit par une chercheuse américaine, Balsamo, qui travaille sur les humanités numériques. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et vraisemblablement, si on travaille sur une transdiscipline, ça ne signifie pas qu'il y a des méthodes absolues qui s'appliquent nécessairement ou qu'il faut répliquer. Au contraire, il faut travailler la question un petit peu de l'imagination, de l'adaptation technologique et pas chercher uniquement à s'adapter, mais plutôt à adopter une technologie. Vieille question, soulignée par Van Everbush, question du MEMEX qui revient sur cette somme de compétences, sur ces besoins qui ressortent. Plus ça va, plus on doit traiter une masse d'informations considérable. Chez Van Everbush, c'était l'idée d'une machine, un memory extender, qui permettait aux chercheurs de gérer et de traiter l'ensemble des ressources scientifiques auxquelles il était confronté, qu'il devait traiter. Cette question-là, à mon sens, est à nouveau posée. C'est une question à la fois technique, une question aussi au niveau de temporalité, une question aussi au niveau des compétences, la capacité du chercheur à gérer son environnement de travail. Dernière question sur la question des littératies, hein, qui a déjà été soulignée hier dans la conférence, c'est cette capacité de distance, notamment par rapport aux données, mais le fait qu'on a une pression du temps, cette accélération du temps, comme soulignait Paul Bertrand. Le fait que plus ça va, il faut travailler sur sa capacité à prendre de la distance sur les données produites, sur les données qu'on est en train de compiler et sur la somme des projets dans lesquels on est impliqué, ce qui n'est pas toujours évident. Et à mon avis aussi dépasser une opposition entre slow science et speed science qui est à mon avis une mauvaise réponse à cette question du temps. Voilà. Et j'en aurais fini là pour la partie introductive. Alors, maintenant, on va vous laisser la parole. Et peut-être une question à poser d'abord. Combien de personnes d'entre vous sont passées à côté de tous les acronymes, ont vu des noms qu'ils n'ont jamais vus et des concepts avec lesquels ils ne sont pas familiers? Parce que c'était très dense, avec beaucoup de choses qui sont à la fois... PKM, je ne connaissais pas ce que c'était. Une fois que je suis allé voir et que j'ai vu que c'était Personal Knowledge Management, je peux un peu voir un peu mieux de quoi il s'agit. Et là, c'est à la fois des catégories qui sont très très familières dans tous les articles du milieu, et puis des choses qu'on ne connaît pas par ailleurs. Voilà. Donc cette distance, déjà là, si tu veux, tu le réinterprètes dans ta diapo, avec l'idée de distance comme quelque chose de plus compliqué. Au départ, c'est vraiment la lecture, c'est au lieu de lire ligne à ligne et d'interpréter un texte comme on le faisait, pouvoir dégager des structures sur un ensemble qu'on n'appréhende pas de la façon habituelle, continue, lecture de près. Donc ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez dit? C'est vrai que ça, en fait, il faudrait presque une heure ou deux heures, mais ce n'est pas le but que je monopolise la parole. Mais c'est pour non, c'est parce que quelles sont les questions qui vous viennent quand vous voyez tout ça à partir de la question de la littératie, qui est une façon de dire une culture. Après, culture est un terme tellement vaste que... Culture et littératie sont des termes assez proches, hein, si on examine bien les proximités. Qu'est-ce que c'est qu'une culture numérique dans le cadre de la recherche, telle qu'elle évolue? Qu'est-ce qu'il faut développer? Et ça en reviendra sur la question de la formation, sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans ces formations. Mmh. C'est aussi la question posée. Qu'est-ce qu'il faut développer comme compétences? Et si on développe des formations initiales ou continues, sur quoi doivent-elles reposer? La parole est à vous. Moi, je l'ai laissé totalement angoissé pour l'histoire d'alien. Alors, on est toujours un alien pour quelqu'un, de toute façon. Vous prenez. Il y avait une image. Il y a une façon de poser le problème, je trouve, c'est que le digital humanist qui sait tout faire, il n'existe pas. Il n'existe pas plus qu'on est chercheur en SHS ou informaticien capable de faire n'importe quoi. Ça n'existe pas. Les compétences, elles sont nécessairement sectorielles, il y a un parcours, il y a des projets, et il y a une formation. Donc, définir un cursus, c'est définir des éléments de base. Là, ça se complique du fait que ça peut être soit disciplinaire, soit pluridisciplinaire, soit quelque chose qu'on imagine comme une sorte de socle commun. Mais... Après, il y a des questions de fond, est-ce qu'il faut savoir coder un minimum ou pas? Il y a des questions qui se posent, et qui vont se poser. Faut-il savoir coder? Et derrière coder, ça veut dire quoi? C'est une question qui revient assez régulièrement, enfin, sur le digital humanity. Justement, faut-il savoir coder? Mais je vous pose la question. Moi, j'y ai un peu répondu. Ce que j'avais trouvé très intéressant ce matin dans la discussion sur l'historien programmeur, c'était le fait de dire il faut qu'on sache exprimer ce qu'on veut. Donc peut-être le fait de savoir coder, c'est le fait de dire, bon, ben, j'ai des bases pour pouvoir aller voir mon informaticien et lui dire, voilà ce que je veux, et me faire comprendre par lui. Ou alors, quand l'informaticien me parle, pouvoir comprendre ce qu'il me dit. Ça, j'avais trouvé vraiment très, très important et essentiel. C'est ce qui revient régulièrement. Régulièrement, dès qu'on a un projet, c'est la capacité à dialoguer. C'est peut-être ça la réponse, faut-il savoir coder, voilà. C'est là que ça se situe. C'est peut-être là, et peut-être la formation, donc l'accès plutôt sur ça, des deux côtés, peut-être pas simplement du côté du chercheur, mais aussi de l'ingénieur. Du coup, la question devient, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir justement dialoguer? Ça ne résout pas avec ça. Peut-être qu'on peut partir de nos expériences, qu'est-ce que vous en pensez à partir de ce que vous faites? Et il y a des profils très différents là, dans la salle, nécessairement. Il faut peut-être garder il faut sûrement garder un minimum d'indépendance par rapport à l'informaticien. Savoir intervenir un peu dans le code serait utile. C'est-à-dire intervenir dans le code intervenir, comprendre et pouvoir dialoguer, pouvoir demander et garder l'indépendance. S'il faut modifier quelque chose, ce serait pas mal de pouvoir le faire. C'est quelque chose d'un peu complexe, ça me semble utopique. Ça me semble tout à fait utopique. C'est un vrai métier. C'est un vrai quel métier. Quel que soit le langage, le type de développement, c'est un vrai métier. Et il me semble qu'intervenir au milieu d'un code écrit par quelqu'un d'autre, c'est on intervient forcément comme dilettante par rapport à un spécialiste. Forcément, oui. Ce matin, par exemple, tout à la fin de l'atelier historien programmeur, Stéphane Pouillot résumait sa position en disant que pour lui, le plus important dans ce qu'on pouvait attendre d'un chercheur, c'était la structuration des données. On avait beaucoup parlé du processus d'interprétation qui intervient dans la modélisation, etc. À ce niveau de généralité-là, on peut comprendre la part du chercheur, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir s'il ne fait pas tout, jusqu'où il peut aller. C'est une question de seuil, plutôt. C'est une question aussi de pouvoir. Ça fait bien soulever. Le fait d'avoir la possibilité d'intervenir dans le code montre bien qu'on n'est pas dans quelque chose de cloisonné par une profession. Moi, je suis assez d'accord, en fait. Possibilité d'intervention, même si on ne l'utilise pas nécessairement, paraît également intéressant. Autre point au niveau expérience, c'est lorsqu'on doit monter des projets, parfois on est amené à évaluer des besoins techniques. Et plus on a un peu de connaissances, mieux on peut les mesurer, justement parce qu'on sait ce qu'on ne sait pas. Quand on ignore tout d'un domaine, on ne connaît strictement rien, on est incapable d'évaluer réellement nos besoins en personnel, en temps. C'est pour ça que je pense aussi que la question du dialogue est là. C'est la capacité à savoir ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on sait faire, mais on n'a pas nécessairement le temps de pouvoir évaluer. C'est pour ça que j'ai des compétences. Cette technique est très vite église sur de capacité organisationnelle et montage de projet. Et aussi cet aspect-là. Je me demandais si un des moyens d'enrichir le questionnement, ce ne serait pas de renverser la question et de se demander de combien l'historien doit l'informaticien doit devenir historien, de combien lui doit faire le chemin. Et donc, ça pourrait éventuellement être un bon indicateur de combien nous, on doit faire le chemin dans le sens opposé. Oui, parce qu'on a très peu entendu parler des informaticiens, des développeurs, et de leurs besoins. De besoin de connaître, par exemple, bon, mon cas particulier, je me suis retrouvée à être documentaliste et gérer un site internet, et donc, être en contact avec des problèmes numériques de chercheurs. Donc je me suis retrouvée à devoir m'intéresser un petit peu aux bases de données, etc. Mais en même temps, disons que si j'étais vraiment informaticien, je me trouverais face à leur recherche et à devoir comprendre ce qu'ils veulent montrer, etc. Donc de la part de l'informaticien aussi, il y a quelque chose à apprendre voyez ce que je veux dire, et on les a vraiment très peu entendus. C'est ce qu'on a souligné ce matin sur les formations, en disant qu'il faudrait effectivement que les informaticiens aient aussi des formations dédiées, orientées, et SHS puissent raccrocher. Ce qui implique que ça existe, mais qu'on les rende séduisantes pour eux aussi. Voilà. Qui est pour l'intérêt. Et sinon, dans ce genre de cadre, qu'il y ait peu de techniciens et d'informaticiens, c'est assez courant, malheureusement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les colloques d'informaticiens quand il y a des gens qui viennent présenter des projets en partenariat avec des chercheurs de SHS. Je ne sais pas si les chercheurs eux-mêmes sont vus comme un peu isolés, comment c'est perçu. Vous avez l'expérience? Parce qu'il y en a beaucoup dans des tas de domaines un peu techniques. Dès qu'il y a de la linguistique, c'est possible. En archéologie, par exemple, il y a pas mal de choses comme ça. Il me semble vous parlez d'informaticien, mais c'est un monde immense. Qu'est-ce que c'est l'informaticien? Ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire quelque chose il y a 20 ans, mais ça ne veut plus rien dire. Bon, je suis archéologue, je travaille, j'ai de la documentation à mettre en ligne, à numériser d'abord, et ça c'est rien, à mettre en ligne et à mettre à disposition d'un plus grand public. Je préfère m'adresser par exemple à quelqu'un qui est formé au système d'information géographique déjà, qui a donc une littératie en base de données, en géolocalisation, etc. C'est un informaticien d'une certaine façon, mais c'est un géographe aussi. Ce n'est plus un informaticien pur jus. Mais on atteint vite les limites quand même. Là, on est en train de les atteindre, il se trouve qu'on travaille ensemble dans un institut où on travaille. Et on atteint les limites justement parce que cet informaticien n'est finalement atteint un degré d'incompétence, qui est parfaitement compétent par ailleurs, parce qu'elle ne sait pas coder dans tous les langages possibles et imaginables. Elle a appris, on l'a formée à deux ou trois langages, et finalement les messages d'erreur que l'on renvoie à des logiciels sont dans un langage qu'elle ne domine pas. C'est difficile de définir exactement le champ de connaissances de l'informaticien avec lequel on va travailler. C'est dire juste informaticien, moi, ça me paraît. Oui, tout à fait. Oui. C'est dans plusieurs ateliers, c'est vrai que là, le pluriel, il est des deux côtés. Hein. Parler d'humanité numérique, ça a l'avantage de montrer la diversité de disciplines qui en font partie, mais du côté des informaticiens, c'est exactement pareil. Bien sûr. Et pour la suite, justement, de la discussion, est-ce que j'ai une étude en géomatique dans un laboratoire de recherche historique. Il m'est arrivé de présenter des travaux face à des étudiants de Venise, donc l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et là, eux, ça les a beaucoup surpris, déjà que les historiens qui les voyaient très très loin aient l'idée de faire comme ça un modèle de base de données, etc. Et après, il y avait beaucoup de notions. Alors, ils évaluaient aux formules techniques, mais il y avait beaucoup de notions en fait, de la recherche qui avait échappé complètement, la recherche scientifique, qui, comme le sauçage de l'information, toutes les notions de qualité, etc., tout ça, de la donnée. Ça leur échappait complètement, la multitemporalité, toutes ces choses-là. Et eux, pour eux, c'est aussi des thèmes de recherche informatique, autres. Et du coup, après, il faut se diriger vers des laboratoires de recherche en informatique, etc. Mais l'informaticien pur formé informatique ne va pas percevoir toutes ces petites notions de distinction. Et du coup, ça fait le cercle, quoi. Donc même, effectivement, ce que vous appelez les informaticiens qui sont les géomaticiens, eux aussi rencontrent de l'autre côté des limites. Il y a plein de couches, quoi. Qui ici a eu deux cursus, deux formations vraiment séparées qui ont mené à faire ce qu'ils font? C'est encore le parcours le plus habituel. Ça peut être plus ou moins formel, carrément deux diplômes, deux cursus, ou alors... quelqu'un disait dans un autre atelier, mais assez amusante, j'ai commencé par faire de la programmation en cours du soir en me cachant. Et puis après, une fois que je pouvais faire quelque chose, je leur ai dit que ma spécialité évoluait. Donc on ne fait peut-être pas en cachette, mais c'est souvent effectivement séparé. Et à un moment, c'est réuni. Est-ce que vous croyez que c'est utile? Oui, qu'il y ait des formations qui essayent de marier les deux d'emblée, ou est-ce que c'est un niveau de spécialisation dans chaque qui fait que c'est pas évident, qu'il n'y a pas de littératie globale? C'est un peu l'enjeu. Est-ce qu'on peut avoir une culture numérique adaptée à un travail de recherche? Là encore, si on parle vraiment de développement, de programmation, de développement de logiciels, je pense qu'on est très loin de ce que savent faire les acteurs des sciences humaines. Mais bon, comme archéologue, il n'y avait pas de cursus sur ce genre de choses quand j'ai fait mes études. Mais quand j'ai commencé à utiliser des bases de données, c'était des bases 3, si on savait, on était bien obligé d'apprendre à programmer, parce que tout était à la commande, même si c'était de la programmation très simple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin quand on utilise Access. Mais non, c'est rare quand même. Les archéologues peut-être, parce qu'ils ont un métier plus technique, mais c'est très rare dans les autres sciences humaines qu'on ait cette expérience-là, cette formation où on a abordé le numérique quand même. On l'a, même si c'est de façon assez intuitive et qu'on l'a fait tout seul, on l'a appris tout seul avec des matériels sur le terrain et par les erreurs qu'on a pu faire. Mais c'est un métier un peu particulier, le métier d'archéologue justement, parce qu'il est très branché base de données, géomatique et autres. Mais est-ce que les autres métiers, les autres disciplines des sciences humaines ont la même expérience, le même contact? Donc là aussi, il y a toute une série, il y a tout un éventail de métiers, aussi bien en informatique qu'en sciences humaines, où les gens auront des formations qui les porteront plus ou moins à ce genre de réflexion, de travail. Et des pentes naturelles. Des pentes naturelles. Pour moi, ça a été tout à fait naturel d'aller vers l'informatique à travers les bases de données. Mais est-ce que c'était le cas de tous vos collègues? Oh, en gros, ils sont bien obligés. Hein. Que ça soit naturel ou pas, ils sont bien obligés de s'y mettre, plus ou moins. Mais en gros, je ne connais pas tellement d'archéologues aujourd'hui qui ne savent pas, sans être des guides complets, qui ne savent pas quand même manipuler ça et comprendre comment ça fonctionne derrière, savoir qu'une base de données, ça peut être structuré, ça doit être structuré, pour, etc. Sans pour autant programmer. Mais ils ont peut-être les éléments déjà pour dialoguer avec, justement, quelqu'un qui va pouvoir construire soit un site web, soit qui va servir d'interface pour ces bases de données, ou un site dédié pour ce qu'on est en train de construire aussi. Hein. Mais c'est pas facile, parce qu'on aurait besoin, et on n'a jamais les moyens dans ces institutions, d'avoir autant d'interlocuteurs, parce que, en tout cas, pas chez nous. C'est pas toujours évident. Au fur et à mesure que le projet avance, la compétence est différente. Donc, à la limite, on a engagé un ingénieur qui est parfaitement compétent pendant 3 ans, et le programme a atteint un stade où on a besoin d'une autre compétence. Mais avec les rigidités de la fonction publique, c'est pas évident d'en changer comme ça. Enfin, je ne sais pas si je fais sens, moi, c'est mon expérience. Et d'un certain point de vue, vous êtes satisfaite de votre culture, c'est-à-dire de cette culture qui est devenue mixte ou qui a évolué? Êtes-vous satisfait, ou vous pensez que ce serait plus intéressant pour vous, en tant que chercheur, si vous maîtrisiez davantage ce que fait l'ingénieur aussi? J'aimerais bien pouvoir le maîtriser plus par curiosité, mais je sais très bien que c'est absolument impossible, sinon je ne pourrais plus faire mon travail de chercheur. Il y a des limites aux capacités d'apprentissage, et ça ne tient pas nécessairement à l'âge. Des jeunes qui bloquent sur l'informatique et des personnes déjà en fin de carrière qui se sont plongées dedans complètement. C'est qu'il y a 24 heures par jour, simplement. C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'au quotidien, parfois, on se dit, tiens, si j'avais appris ça, ça me servirait. C'est vrai que c'est un peu la question que j'ai envie de poser aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui vous manquent, qui font défaut à votre formation, que vous auriez aimé apprendre? Je crois qu'il manque une culture générale, pour savoir comment fonctionne un ordinateur, comment ça fonctionne derrière, avant de savoir déjà programmer, et puis savoir utiliser les outils qui existent et qui sont élaborés par les chercheurs et les communautés de chercheurs. Je sais pas, dans un autre atelier, on parlait des Zotero, il y a un outil parmi d'autres qui est élaboré, mais le nombre de doctorants qui ne sont pas formés à ça et qui savent comment ça fonctionne, je crois vraiment qu'on manque une culture, une éducation. De base, C'est sur cette base, ça fait longtemps que les institutions en ont conscience, et on en parlait tout à l'heure, l'éducation nationale en France a intégré un brevet, les universités sont toutes tenues avec un référentiel national d'avoir des cours d'informatique qui sont des choses très, très simples. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi bien savoir brancher une imprimante et réussir à imprimer son document qu'envoyer un courrier électronique, qu'avoir une notion un tout petit peu théorique de ce que c'est qu'une base de données. Il y a des choses quand même, et ça va pas très loin, et ça permet pas... je dirais que c'est la grande hésitation entre le citoyen à l'époque numérique et puis le chercheur ou ingénieur capable de dialoguer dans un projet. C'est quand même deux niveaux de culture qui ne sont pas les mêmes. Et notre problème, c'est que tout chercheur et tout ingénieur est aussi citoyen. Donc, on aura toujours la question de nos pratiques privées et puis la question d'une formation pour des professionnels et d'une culture numérique plus poussée ou disciplinaire. Il y a un nombre de problèmes qui vont se résoudre par l'éducation, sans aucun doute, parce que si les choses avancent bien, quand même, il y aura des gens qui commenceront à avoir des postes dans quelques années qui n'auront pas des ignorances et des résistances qu'on trouve encore. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont arriver tout formés à autre chose qu'à des logiciels et à un animal courant. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une culture numérique globale que tout le monde puisse acquérir qui permette ensuite, tranquillement, dans sa discipline, de faire tout ce qu'on veut. Je crois que la culture numérique globale, c'est une sorte de culture minimale, un peu commune, qui permette de dialoguer. Quoi. Je crois que c'était ça, l'expression. Culture numérique, après, forcément, on aura des différents niveaux, mais pour un chercheur, au moins, qui met un niveau minimal pour pouvoir dialoguer avec un collègue sans être totalement... Un exemple, j'étais dans un atelier sur les revues numériques, enfin la mise en ligne de revues, et la question se posait de savoir qu'est-ce qu'on met en ligne. On met un livre qu'on lit à l'écran, un document PDF, c'est jamais qu'un livre, mais sur un écran au lieu de le lire sur du papier, ou alors on fait une véritable revue à proprement parler numérique, avec toutes les balises, avec en XML, etc. Et là, il y a la moitié des personnes qui ne suivent plus déjà quand on dit ça. Donc là, c'est pourtant pas très sorcier, mais c'est une culture que nous n'avons pas en général. Sauf ceux d'entre nous qui sont un peu frottés à ça. On dit transformer un document en XML. La moitié, je suis sûr que la moitié des historiens, par exemple, ne savent pas ce que c'est. Mmh. Ça, c'est ça que je veux dire par culture de base. Savoir qu'est-ce que c'est qu'un document structuré, comment on le fait. Oui, ça pose la question de sur quoi on doit former, parce que c'est vrai que là, un des contre-arguments, c'est à chaque fois, la technologie s'avance tellement vite, si je me forme à tel truc, 3 ans après, c'est dépassé. Donc c'était la question aussi de la formation, c'est qui a tendance quand même à se placer surtout sur des usages. On va travailler peut-être faire une démonstration sur Zotero, qui sait dans 5-10 ans ce qu'il en sera de Zotero. Et la question, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver des fondements ou des présupposés un peu plus solides et un peu plus durables qui peuvent être facilement réinvestis au fil du temps et justement pas seulement se concentrer et se consacrer à la formation pour les usagers. C'est très difficile à mener ce genre de formation parce que généralement on n'a pas le temps et il y a peut-être aussi l'envie, y compris chez les étudiants, y compris chez les chercheurs, de repartir avec un truc clinquant qui fonctionne de suite et du coup on a tendance à négliger des aspects un peu plus théoriques, un peu plus complexes, mais qui seraient pourtant un peu plus durables parfois. Et à mon avis, là-dessus, une grosse difficulté qu'on rencontre actuellement et qui est très connue aussi sur le territoire des littératies de l'information. Question sur à quoi on doit véritablement former. Est-ce qu'on doit former à des outils ou est-ce qu'on doit former à des concepts, à des savoirs, à des notions qui vont être durables et qui vont pouvoir nous servir 5, 10, 15 ans qu'on pourra facilement investir. Donc, à mon sens, il vaut mieux partir sur des notions et des savoirs et pas seulement sur des usages. C'est par exemple ce que disent en ce moment évidemment, ça ne s'appelle pas un peu de publicité, il y a la parution d'un nouveau programme d'informatique dans les lycées, uniquement pour les terminales scientifiques pour l'instant. Et donc les concepteurs, des gens de l'INRIA en partie, ont eu à écrire un manuel et ils expliquent dans des entretiens écrits ou à la radio de quelle manière ils ont voulu donner des méthodes, faire comprendre ce que c'est que l'algorithmique et pas faire référence à un langage ou faire référence à des outils, justement. C'est le pari de faire comprendre quelque chose pour que, quelles que soient les évolutions, il y ait encore une logique qui soit commune. Mais ce manuel-là, je ne l'ai pas encore regardé en détail, mais la plupart des gens en sciences humaines n'ont absolument pas ces bases-là. Hein. Bien sûr que non. Ça repose aussi une autre question qu'on n'a pas trop soulevée, c'est parce qu'on reste toujours un peu dans une dichotomie SHS, sciences dures. Est-ce que les digital humanities ne sont pas justement le cheval de Troie pour en finir une fois pour toutes avec cette dichotomie épouvantable entre matheux et littéraire qui, je suis désolé, mais nous pourrit la vie du début de l'école jusqu'à la fin et nous met dans une case, je trouve assez paralysant. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai plutôt été caractérisé comme un littéraire très longtemps. Et quelque part, on est hémiplégique, on forme des hémiplégiques. D'un côté, on devrait être des matheux et de l'autre, des littéraires. C'est complètement ridicule. Et du coup, on a aussi cette tendance, alors il y a ça, matheux et littéraire, une autre dichotomie entre d'un côté les intellectuels et de l'autre côté les techniciens. Et à mon sens aussi, les digital humanities doivent redéfinir ça et casser totalement cette logique où il y aurait des techniciens qui seraient aux ordres, qui feraient, et des penseurs qui négligeraient la technique. Et à mon sens, c'est pour ça que l'intérêt sur les compétences, les littératies, c'est aussi une refondation totale de nos manières de penser depuis sur l'ensemble de la scolarité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, sans s'arrêter à la scolarité. Hein. Oui, non, mais ça part, ça se forme beaucoup là. Oui, bien sûr. En même temps, c'est le cadre social dans lequel on vit. Il faut faire des choses, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est un des éléments subversifs dans le discours de la plupart des gens qui se rattachent aux digital humanities, quels que soient les noms qu'ils leur donnent. C'est vrai. Hein. Mais ça se pose beaucoup moins dans certaines disciplines. Il y a des branches de la sociologie, de la linguistique, pour qui ça se pose pas trop. En archéologie, le champ a évolué. C'est tout. C'est ça. Personne ne va publier un article en disant j'ai pris ma truelle. Il faut toujours le faire. Oui, mais il n'y a pas de validation de résultats si on s'arrête là. C'est ça, exactement. Le public fatigue. On sent tout le poids de la journée. Ça pose aussi d'autres questions sur les compétences et les capacités physiques. Capacité d'attention. Oui. Qui est bien le terrain commun de toutes les littératies. Toutes les littératies, tous les études partout dans le monde. Premier constat, capacité d'attention en baisse. Et c'est d'abord à ça qu'il faut former. Et quand on est sur les digital humanities, souvent on est un peu multitâche de partout. Donc justement, les questions que je soulevais tout à l'heure, la capacité de distance critique, il faut réussir à garder au sein des dispositifs, lorsqu'on est soi-même acteur, assez engagé, limite militant aussi, et réussir à avoir cette distance critique. Hein, parce que disait Paul Bertrandière, hein, sur les données, c'est quoi les données? Moi je disais, c'est vrai que le problème, plus ça va, plus les données, on les manipule, elles deviennent un peu bidonnées, et on s'en rend même plus compte. Et ensuite, on prend pour argent comptant cette question de la donnée. Le risque aussi, en termes de compétences, c'est avec l'arrivée des big data, la tentation parfois de produire des données massives avec peut-être derrière une petite visualisation assez sympa et de dire ça y est, on a fait de la science. Ce qui est quand même aussi la position de certaines personnes chez Google, y compris chez Chris Anderson de Real Magazine qui a un an ou deux ans, c'était même plus il y a 3-4 ans, qui avait titré « La fin de la science », considérant qu'on allait produire un max de données et avec des résultats quasiment en temps réel parce que la donnée devenait le résultat. L'interprétation, la capacité de distance était totalement évacuée. À mon sens, c'est là l'enjeu sur les big data à l'heure actuelle, c'est de bien mesurer ce qui est réellement une donnée et de garder notre capacité d'interprétation et de distance. Il me semble que c'est une des compétences les plus importantes à développer. Alors après, comment on le fait, c'est une autre histoire. J'ai envie de poser une méta-question. Qui est bien placé pour définir quelles devraient être les compétences? C'est ça, en fait, hein, aussi. Sans doute pas des gens dans une salle à 5h de l'après-midi, la journée. En revanche, si on prétend définir des compétences, et ce n'est pas par hasard qu'on a parlé de cursus, qu'on a parlé de manuel, il s'agit à la fin d'institutionnaliser, de définir des choses et de faire passer des générations par un socle de compétences, par des cours avec un contenu défini. Qui est bien placé? Parce que dans l'intitulé de l'atelier, parce qu'on est au LASCAM, on avait ajouté quelques compétences numériques, mais pour les gens qui font des digital humanities. Donc on se plaçait encore du point de vue du chercheur, formation à la recherche, à quel niveau? À partir de doctorat, à partir de la maîtrise, comme ça se fait dans les formations actuellement, avant? Est-ce que c'est la formation du citoyen, toujours, donc avant même, dans les lycées, et pour tous les cursus, et pas seulement les scientifiques en terminale? Quand est-ce que ça commence? Les deux, hein. C'est pas... ouais, c'est un cheminement et une progression. La culture numérique doit commencer relativement tôt, avec une montée en puissance, une gradation. Donc ça, c'est une question de programmation scolaire, c'est une question de programme, une question politique aussi, sur laquelle, pour l'instant, pas tant que ça a avancé. Parce que ça, c'est marrant, parce que sur les discours, on entend toujours dire « culture numérique, c'est super important, culture de l'information, c'est super important ». Mais concrètement, sur le terrain, il n'y a rien. Là, je peux en parler, parce que moi, je suis un ancien professeur documentaliste, et on a ce problème-là. C'est que tant que vous n'avez pas une institutionnalisation un peu concrète, vous n'avez pas réellement de programme derrière, et d'application sur le terrain. Et c'est aussi un risque, dans mon sens, pour les humanités numériques, à la fois une force d'être transdisciplinaire, d'être interdisciplinaire, mais il y a un risque à un moment donné, c'est qu'on reste au simple discours d'injonction. Il faut développer la culture numérique, il faut plus de cours, machin. Et au final, bah, personne ne s'en empare vraiment, personne ne le fait, parce qu'on a déjà d'autres priorités. Et du coup, bah, concrètement, ça reste une formation un peu bâtarde, à la marge, type C2I haute. Et on reste plutôt sur de l'usage assez rapide parce qu'on n'a pas assez de temps dédié aux formations. Ça, à mon sens, c'est le vrai risque. C'est que d'un côté, on a un gros discours politique d'injonction, et puis de l'autre, sur le terrain, finalement, tout le monde est concerné, donc personne ne le fait. C'est le vrai risque, à mon sens. L'autre problème, c'est quand même qu'au quotidien, c'est pas seulement en France, moi j'ai un collègue Milad Douy à Laval qui a besoin de recruter des doctorants sur des projets où il faut être plutôt hybride, c'est-à-dire une bonne connaissance sur les sciences humaines, un profil sciences humaines, mais aussi une capacité à coder, à comprendre les environnements numériques, savoir un peu développer ou faire des choix. Et il a énormément de mal à trouver des profils qui soient totalement hybrides sur ces questions et qui soient compétents. Il prouve bien qu'il y a réellement. Et là, je pense que dans notre cas de figure, on est tous un peu des bricoleurs. On s'y est mis. Telle circonstance fait qu'on s'y met, c'est intéressant. Parfois, du coup, on est un peu estampillé technicien, côté technique, on est un peu techno. Et comme disait Antonio ce matin, hein, dès qu'on est un peu techno, mais finalement, c'est pas toujours si valorisant que ça. Hein. Le spectre de la photo, du gars de la photocopieuse arrive. Ça revient à la question que je soulevais entre la position intellectuelle technicien qui tient plus. Pour ça, je parlais de changement dans les compétences organisationnelles, que, à mon sens, ça ne va pas se faire sans heurts, le développement des digital humanities. C'est ce que disait Alain Liu d'ailleurs. Que dès qu'il y a du changement, il va y avoir vraisemblablement des luttes encore. Mais est-ce que tout ça, ça ne dépend pas vraiment de la question de la valorisation de ce nouveau produit scientifique, nouveau entre guillemets? Et donc, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que, au moment où toute cette production, nouvelle production scientifique est réellement valorisée, etc., là, il y aura peut-être le besoin de former quelqu'un avec un profil très... C'est les aspects motivation, je crois que c'était toi qui en parlais ce matin. Dès qu'on a des réalisations concrètes qui fonctionnent, et qu'on montre aux étudiants ou à d'autres collègues, de suite, on réussit à convaincre, après, on peut éventuellement dégager le temps de formation. Bon, c'est des questions pédagogiques, hein, la littératie, c'est ça aussi. Hein. S'il n'y a pas de motivation, vous n'avez pas réussi à faire apprendre, à donner envie d'aller un peu plus loin. Il n'y a pas que des questions pédagogiques, il y a aussi les questions de carrière, de chercheur, au sens où si Il faut apprendre à programmer en un ou plusieurs langages, apprendre à maîtriser un ou plusieurs outils, etc., pour au final développer un bout de code pour un programme plus grand dans lequel il va s'insérer. En quoi, pour un historien, pour un sociologue, pour un littéraire, ça va lui apporter une ligne en plus pour son CV? Est-ce que cette ligne va être lue? C'est une question que je soulevais aussi à la fin, c'est sur la production scientifique. Ça doit impulser vraisemblablement une reconnaissance institutionnelle sur une variété de productions probablement un peu plus large. Qu'elle le fait actuellement, plutôt quand même sur le prisme un peu de l'article ou de la monographie, mais il y a vraisemblablement d'autres productions qui mériteraient d'être valorisées. Comme de fait, très souvent, quand on publie un article, on a tout un stock de données, on a tendance à se garder sous le coude sur le disque dur ou ailleurs, et qu'on ne valorise pas nécessairement, et qui pourtant mériteraient une valorisation. Permettrait ensuite l'inscription dans une communauté, ce qu'on ne fait pas. Parce que finalement, à la limite, pour certains chercheurs, il y a plus un risque à publier l'intégralité de ces données parce qu'elles peuvent être critiquées, récupérées, sans être citées. Oui. C'est la question de l'évaluation, et au-delà des compétences, c'est de savoir quelles compétences il faut avoir. Avoir une compétence rare mais pas reconnue, c'est très bien. Hein. C'est très bien pour la petite communauté dans laquelle on évolue, mais ça ne permet pas d'avoir plus d'argent à la fin du mois, ni développer de nouveaux projets, ni, puisqu'il y a beaucoup de précarité dans la recherche de manière générale, de fixer les ingénieurs, par exemple, dans les équipes où ils travaillent. Et dans ce cas-là, effectivement, les sites n'ont pas de pérennité, il n'y a pas de projets qui peuvent s'inspirer de ce qui s'est passé, il n'y a pas de mémoire au sein des équipes, ça pose d'énormes problèmes. Du coup, la reconnaissance de cette compétence-là, c'est que quand ils veulent faire des cartes ou autres, ils essaient d'organiser des petites formations. Et j'ai un peu envie de penser. La première, le premier temps, c'est vraiment une notion et théorie relative au système d'information géographique pour avoir quelque chose de général, de global, qui peut s'appliquer ensuite à tous les logiciels SIG. Et le deuxième temps, c'est prise en main d'un logiciel SIG, possible open source, etc. Mais la compétence qui peut. La motivation et la compétence qui feront ensuite apparaître sur un CV, sur le master de doctorante, c'est le nom du logiciel. Mais du coup, j'ai remarqué aussi que le premier temps intéresse, mais bon, c'est loin, c'est vague, les notions étendues, tout ça, c'est loin. Le deuxième temps sur le logiciel, c'est vraiment tout, alors que c'est en plus le logiciel que j'utilise, c'est un logiciel qui évolue de mois en mois. C'est vraiment trouver la touche qui fait ça, noter la touche, alors que dans un an, l'interface sera complètement remodifiée, etc. Mais c'est vraiment focalisé sur la maîtrise d'un logiciel. Et une fois qu'on maîtrise ce logiciel, on peut le marquer sur CV et on est compétent en système d'information géographique. Parce que le message aussi à passer, c'est si les notions, les concepts sont compris, la suite est facile. Et le logiciel, quel que soit le logiciel, c'est... Voilà, on l'apprivoise en plus ou moins de temps, mais on y arrive. Et c'est vrai que compétence et maîtrise d'un logiciel, je pense aussi. C'est plus facile d'estampiller avec un nom de marque ou de logiciel plutôt qu'une compétence. Il faut savoir la nommer, ce qui n'est pas toujours évident. C'est une dérive un peu aussi des CV, hein. Estampiller le nom du logiciel. Voilà. J'avais une autre compétence aussi, plus simple, qui est en train de se développer, c'est la compétence liée à la mémorisation. Effectivement, il y a des problèmes de pérennité. Et plus ça va, plus il y a des formes de compétences un peu archivistiques qui sont en train d'arriver sur le métier de chercheur. Parce que les archivistes s'aperçoivent à l'heure actuelle qu'on est en train de perdre une grande partie des mémoires des chercheurs qui partent à la retraite. Tout est parti dans le vieux disque dur, parce qu'ils ont emporté ça chez eux, parce qu'ils ont des vieux documents qui sont mis à la poubelle ou autre. Et plus ça va quand même, nos mémoires elles sont nativement numériques. En plus on produit des données numériques, mais on n'y accorde pas nécessairement une attention si grande que ça, et on a tendance à négliger la portée archivistique de l'ensemble de nos travaux. Or, à mon sens, il faudrait d'emblée, dès la production même de nos données scientifiques, penser à leur pérennité future, qui pour l'instant n'est à mon sens pas le cas, voire pas du tout le cas, à la fois pour des raisons de sensibilisation, parce qu'on n'a pas nécessairement les outils, et ce qui pérennise peut-être le plus, parfois, il faut bien le reconnaître, c'est plutôt les acteurs privés, même Google Drive, plutôt que le serveur de l'université qui a tendance à cracher ou, suite à une BV informatique, à nous effacer toutes vos données. Je vois plusieurs personnes sourire parce que ça arrive effectivement très très régulièrement. Mais on retrouve la question entre la distinction entre pratique individuelle et pratique professionnelle. Parce que c'est vrai que la politique d'archivage d'un centre de recherche est parfois floue, mais de toute façon, vous travaillez avec votre ordinateur personnel, les gens travaillent aussi beaucoup chez eux. Dans les centres, parfois, il n'y a même pas de politique d'archivage automatique bien définie. On est à l'EHESS, il y a eu des mouvements sociaux et une occupation du bâtiment il y a quelques années. Il y a un centre dont la bibliothèque a été menacée, un peu saccagée, et il y a des gens qui avaient laissé leur ordinateur portable, qui l'ont perdu, des chercheurs, et c'était des années de recherche qui sont parties d'un coup, parce qu'il y avait une copie dans l'ordinateur, ici. Voilà. Ce genre de choses sont possibles aussi parce qu'il y a ce problème de la politique d'archivage laissée à des chercheurs qui ne sont pas formés et pas forcément conscients, par rapport à une politique d'institution, et c'est très difficile, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Que chacun ait un ordinateur payé par l'institution, oui, commençons par là. Mais ça fait partie de la culture de base qu'il faut inculquer. Ouais. Aussi aux chercheurs non informaticiens. Ouais. C'est aussi de savoir pérenniser ses données, de savoir les sauvegarder. On n'a pas besoin de programmer pour ça. C'est du bon sens, mais c'est du bon sens, encore faut-il savoir le faire. En revanche, dès quelque chose d'un peu élaboré du point de vue de la programmation ou des formats de documents qui évoluent, c'est plus de l'ordre de la pratique individuelle de savoir sauvegarder les choses et faire évoluer un système. Et là, il y a des vraies questions quand même archivistiques qu'on se pose. On n'y pense pas nécessairement dans 10, 20 ans, quel élément qu'on a produit peut encore avoir d'intérêt. Ça, c'est assez difficile. Et puis c'est vrai qu'il y a des évolutions de format auxquelles on est confronté. Une fois, si on est un tout petit peu informé, on s'y tient soi-même. Enfin, pour peu qu'on ait une carrière un petit peu longue, je fais partie de ceux qui ont déjà un peu carrière derrière eux, ben on évolue, on tient à pouvoir lire. J'ai commencé l'informatique en 85. Les documents que j'ai produits à l'époque, je peux encore les lire, mais c'est parce que j'ai fait l'effort de les. Et il faut apprendre à le faire. Alors à l'époque, il n'y avait personne pour m'enseigner, il fallait bien le faire soi-même, c'est en perdant que j'ai appris à ne plus les perdre. Mais ça ferait partie de la culture de base à enseigner, justement. Parce que dans 20 ans, les formats ne seront plus les mêmes. Pour les grosses institutions, il y a des centres comme le CINES qui pérennisent maintenant toutes les informations, les données, tout ce qu'on numérise dans nos institutions. Et c'est eux qui en assurent, moyen finance, la pérennisation. Mais les données individuelles, il n'en est pas question pour l'instant. Un problème qui intéresse beaucoup des collègues au Québec, qui s'interrogent justement sur cette déperdition assez colossale. Avant, on léguait ses papiers, un chercheur pouvait léguer ses papiers à une institution, ça ne veut pas dire qu'ils étaient lus, hein. Mais au moins quelqu'un qui voulait y accéder, y aller. Aujourd'hui, qui est-ce qui lègue son disque dur? Parce que finalement, c'est ça. C'est ça, c'est la question. C'est... Et encore, est-ce que le disque dur est assez bien rangé pour... C'est une vraie question. Structuré, c'est une vraie question archivistique, pour ailleurs, oui. Parce que même si on transforme notre format, à force de transformer, pour un archiviste, il va dire qu'on a changé le cadre matériel initial. Mais bon, il y a un petit nombre de chercheurs à qui on demandait de léguer leur bibliothèque avec des annotations ou leur papier de recherche, pas la majorité, et il fallait qu'il y ait un projet, quelqu'un qui aille étudier la chose pour qu'il soit effectivement exploité, en partie. Là, on peut imaginer des archives beaucoup plus vastes qui sont interrogeables. Ouais. Ça devient autre chose quand même. Si on dispose de données de la recherche, il y a un matériau collectif là qui est exploitable. C'était l'atelier précédent là. La mémoire, justement. Oui. Et une des conclusions, c'était que, hormis l'impact quantitatif du net, on retombe vite sur les mêmes problèmes que soulève la question d'archivage, même sur le papier. C'est chaud. Le privé, le public, ce qui apparaît dans la BNF aussi. Oui. On parlait de motivation tout à l'heure, il faudrait aussi motiver les personnes qui nous financent, qui nous gèrent dans les ministères, parce que. On nous donne des sommes relativement énormes pour numériser toute notre archive, notre documentation dans les institutions, en particulier chez les archéologues, on a énormément de accumulé, une institution qui a plus d'un siècle, a accumulé une masse de documents absolument très très précieuses qu'on numérise sans aucune difficulté. Mais il n'y a jamais de poste qui vont avec pour traiter toute cette numérisation. C'est rien du tout de payer un prestataire à nous faire des guichets, des images de tous nos documents, mais jamais on a un mal fou à voir avec les postes qui permettent de gérer tout ça. C'est eux qu'il faut motiver. Je crois que si eux étaient plus motivés, les chercheurs seraient plus aussi. Ça devient un gimmick, la numérisation, là. On numérise à tous deux bras, mais en fin de compte, elle est perdue, cette information. Parce qu'il n'y a pas les pas de métadonnées, il y a rien derrière. Oui, quand on sait comment ça a été numérisé, enfin, oui. Ça pose la question de compétence des managers. Voilà. J'y viens toujours. Hein. Oui. À la fin, c'est effectivement une compétence des chercheurs, mais aussi des managers. En amont. C'est bien de manière cruciale. Et c'est eux qu'il faut former. Et est-ce que vous croyez que le fait qu'on retombe toujours sur la question des pratiques privées et individuelles montre que c'est encore une période où il n'y a pas la maturité de l'ensemble de la société? Et que les digital humanities, c'est aussi ça, c'est s'interroger au sein de la recherche sur une période transitoire où on est encore en train d'essayer de rattraper à titre personnel en bricolant une sorte de niveau de base qui permet de dialoguer tout en étant très spécialisé sur des projets de recherche. Après, combien de temps va durer cette période transitoire? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'imaginer utopie qu'on est en train de basculer dans un phénomène où on n'arrêterait plus d'être transitoire et donc que l'investissement, les gros investissements en temps et qu'on doit faire pour appréhender un nouveau logiciel, un nouvel outil, en fait seront perdus dans 6 mois parce que la mode sera passée à un autre ou que les conditions d'accès, Google aura verrouillé un truc et ce sera plus possible de l'avoir. Et donc, quels seraient dans ce cas-là les indices qui nous indiquerait, ok, ça c'est en train de structurer, on abandonne la phase de préparation, donc on arrête de bricoler et on se met d'accord sur un format, sur un protocole, ou quels seraient les autres indices qui nous indiqueraient qu'il est encore temps pour les bidouilleurs de s'amuser, profitons-en, est-ce qu'on a des indices comme ça, sur l'accélération, est-ce qu'il faudrait regarder quels sont la rapidité des nouvelles versions ou des changements de mode sur les réseaux sociaux, etc., pour indiquer, bon, ok, là, ça s'accélère, ça continue d'avoir un rythme rapide, un rythme de renouvellement rapide, donc on n'investit pas trop, on papillonne, et est-ce qu'on pourra mesurer quelque chose qui va décroître? Qu'est-ce qui est stable dans le fluctuant, quoi. C'est vraiment tout l'enjeu. C'est ça le paradoxe d'ailleurs, parce qu'on est bien conscient que ça va super vite, on a du mal à s'adapter, donc on dit qu'il faut absolument se former. Et après, on a ce paradoxe, c'est d'essayer de distinguer ces nécessités de formation, ce qui est stable. Du coup, là, c'est ça le paradoxe. C'est un peu ça, peut-être que je voulais dire en disant la base, c'est cette partie stable qui restera. Ce qui structure comme une langage informatique, tout ça, ça parle d'un langage, mais les principes mêmes, les concepts, même si on fait ça, mais pour être tout à fait pragmatique, ça ne figure pas dans la plupart des offres de postes aux États-Unis qui se mettent sous le chapeau Digital Humanities. On ne demande pas aux gens de savoir véritablement programmer dans un langage. En revanche, il y a des choses très amusantes, c'est qu'au fil des années, on voit l'évolution. Il y avait eu une discussion il y a quelques mois. C'est sur Twitter que j'avais vu passer tout ça. Il y a quelqu'un qui se scandalisait qu'on ait encore des candidats à des postes qui, pendant les auditions, dans leur CV, disent « je sais faire du HTML ». Comme si c'était une compétence reconnue qui donne droit à se présenter à ce concours et qui soit validée. Parce que c'était plus l'étape où on en était, évidemment. Que c'était tellement... Bon, et de fait, c'est quelque chose d'élémentaire, mais c'était tellement considéré comme un socle que ça ne devait pas être mentionné. Le mentionner comme compétence montrait qu'on n'était pas adapté aux attentes. Oui. C'est assez intéressant parce est-ce qu'on peut imaginer que ce soit pareil avec la TEI dans quelques années? Je ne sais pas. Sûr. Messieurs, bah pour autre chose d'un tout petit peu moins trivial, un gestionnaire de bibliographie, c'est utile à peu près tout le monde dans tous les domaines, ça, ou des bases de données élémentaires. C'est pas quelque chose qui soit trivial dans le même sens. C'est encore utile de le mentionner et de poser la question à des gens. Encore des remarques, des réflexions, mais ils sont très fatigués. Beaucoup d'informations. Est-ce que parmi ceux qui n'ont pas particulièrement parlé pour l'instant, est-ce que sur cette question des compétences, vous avez une expérience à partager ou des questions? Moi, par exemple, je ne sais pas exactement ce que ça serait en digital man, mais moi, je me suis posé beaucoup de fois cette question. Je sors de l'école des chars, donc je crois que là, des compétences basiques pour moi, c'est aussi HTML, théorie, donc JavaScript et tout ça. Donc je crois qu'on devrait peut-être commencer par là pour dire quelles sont les compétences à côté, bien évidemment, de ton domaine de recherche. Par exemple, dans mon cas, moi je suis philologue. Donc, bien évidemment, moi, je cherche les compétences que pouvait accompagner un peu la recherche que je fais, que c'est l'édition de textes. Donc, je ne sais pas, peut-être, à mon avis, un peu les compétences qu'on devrait avoir, c'est des choses un peu plus matérielles, plus concrètes. Non, mais ça, c'est une question récurrente sur les sites de questions-réponses ou sur les listes de diffusion. À votre avis, ça revient à tous les 6 mois, qu'est-ce qu'il faut au minimum savoir pour pouvoir entrer dans ce champ, être reconnu? Effectivement, les réponses, c'est souvent ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il y a des gens qui font de l'imagerie 3D et qui ne sont pas intéressés par certaines des compétences qui permettent de faire des apparats critiques en XML. Il y a une grande variété quand même. Et puis en général, les gens disent oh oui, puis il faut avoir une expérience, si possible, d'un langage, n'importe lequel, au titre de logique informatique, de comprendre ce qu'est un algorithme, ce qu'est une boucle, que sais-je. Mais ça permet des choses très limitées. Ça ne donne pas un métier, une spécialité. Non, mais ça permet de dialoguer avec quelqu'un qui sait le faire. Et ça, c'est important. Parce que, je ne sais pas, mon expérience, 3 fois sur 4, mes collègues. Justement, parce qu'ils n'ont pas appris d'eux-mêmes, on ne leur a pas donné cette formation pour les plus jeunes, ils sont incapables de travailler avec un informaticien parce qu'ils ne posent pas la bonne question, parce qu'ils n'ont pas ces quelques idées de base sur ce que c'est qu'un algorithme. Ça permet de ne pas avoir peur aussi. Voilà, tout simplement. Il ne s'agit pas de tout comprendre, c'est de savoir comment ça fonctionne. On sait quand on conduit une voiture, on sait à peu près comment ça fonctionne. Évidemment, on ne sait pas la réparer, mais... Bonjour, une question à l'ensemble de la salle. Je vous répondais qui est le statut et qui est le sous-jacent. Qui parmi vous, si vous voulez bien le dire, a un statut de support à la recherche, documentaliste, CTA, etc. Et qui parmi vous a un statut de chercheur, enseignant-chercheur? C'est vraiment une question qui m'intéresse pour voir les profils des gens qui discutent de ces compétences nécessaires aux chercheurs. Et qui sont les digital humanistes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas. Non, mais il y a une grosse proportion de digital humanistes qui sont des gens qui travaillent dans le support à la recherche, au niveau des statuts. Et beaucoup plus petite proportion de gens investis vraiment dans la communauté qui sont de statut enseignant-chercheur. On ne fait pas toujours des sondages précis là-dessus. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis au support de la recherche. Support. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est en minorité, c'est dangereux. Par exemple, en Espagne, ça c'est un peu différent. Hein. Parce qu'en fait, moi, je crois que je serais dans un côté enseignant-chercheur. D'un côté, je suis à l'université, je fais des leçons à l'université, de l'autre, je suis dans une espèce de CNRS, bon, la CNRS espagnole, c'est possible. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait raffiner, ne serait-ce qu'en demandant qui en est à au moins 3 post-docs et ce genre de questions. Parce que ça, dès qu'il y a une compétence qui est minoritaire, ça ne mène pas non plus directement au poste. Oui, exactement. C'est pour ça que je pose en question de statut. Bien sûr. Donc, et pas en question de compétences. Bah oui, tout à fait. Tu sais, je crains que le fait d'être compétent dans quelque chose comme le digital humanities n'enferme aussi un poste de. C'est ce qu'on a dit, on a soulevé un peu ce matin et qu'il y avait un vrai risque. Tellement long que j'ai pas pu rentrer. Un des collègues qui nous disait que commencer à développer des compétences, puis son directeur de thèse dit ah bah c'est bien, peut-être recruter un ingénieur de recherche, du coup, ça pourrait correspondre au profil. Il lui dit moi je voulais plutôt devenir maître de compte. Et du coup, dès qu'il y a une compétence technique identifiée, il y a toujours une tendance à orienter effectivement plutôt support. Et dans l'idée de certains, quand même, ces supports, c'est pour moi, c'est vassalisation. Toujours ces logiques un peu de pouvoir assez pénibles qui reviennent sans arrêt dans les représentations. Et puis dans l'engouement des professeurs, peut-être diriger leurs étudiants vers des masters de formation digital humanities, il n'y a pas forcément une foi enracinée dans l'intérêt des digital humanities, mais la constatation de marché de l'emploi, on dit à ces étudiants, bon, faites un master dans ce sens-là, prenez des compétences, vous aurez plus de chances de trouver un emploi que si vous, vous entamez directement une thèse, etc. On a une recherche pure. Bien sûr. Ce qui est parfois une illusion, c'est vraiment une formation hybride, même s'il y en a peu, dans la mesure où ça mène à autre chose que ce vers quoi allaient les étudiants. Ça mène plutôt à travailler dans des start-up et à trouver un poste où on peut être très heureux, mais qui n'a plus rien à voir que la spécialité de départ. Ça m'a dit déjà avoir un poste, c'est pas mal. Eh oui, mais bien sûr, ça c'est le cadre général, on est entièrement d'accord. C'est tout à fait le problème. Ce que je voulais dire, c'est que l'atelier était né hier de 3 propositions qui ont donné 2 ateliers aujourd'hui. Il y en a un qui donc, n'a pas eu lieu, mais qui voulait évoquer ces questions-là à partir de l'enquête « Who are you, digital humanist ?» que vous avez peut-être vu passer pour la plupart. Il y aura tous les liens à partir du pad ou à partir en tout cas des actes du That Camp, qui était une enquête qui a été lancée en mars dernier. Et qui se veut mondial pour aller au-delà des données qu'on a par les institutions existantes, qui sont très largement dominées par le monde anglophone, et qui laissent vraiment des zones d'ombre entières. Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe en Europe centrale, etc., alors qu'il y a vraiment des activités. Et ça ne se veut pas concurrent, ça se veut complémentaire, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cette enquête, il y a quand même une question sur le statut. Ce qui fait que je pense qu'une fois qu'on pourra analyser, au-delà des répartitions disciplinaires, de sexe, géographique, tout ce qu'on veut, il y a aussi la question des statuts qui peut apparaître, et qui, à mon avis, est vraiment intéressante. C'est sûr. Pour rebondir sur l'enquête, moi aussi j'ai un projet d'enquête, je ne sais pas si finirons par fusionner ou pas pour question d'efficacité, mais c'est plutôt vraiment sur l'identification de compétences nécessaires que j'essaie de mener. Le but, ce serait d'avoir une enquête un peu de type quantitatif, c'est-à-dire un questionnaire en ligne. Pour ça, je pense qu'on fusionnera à un moment donné pour essayer d'identifier un peu les compétences mobilisées par les acteurs des humanités numériques et les compétences qui jugeraient essentielles, justement. Je pense qu'on fusionnera, donc ce sera plutôt intéressant. Moi, j'ai un peu de budget pour ça. Je sais pas si ça en allait, toi, sur ça. Ah, c'était entièrement bénévole. Je peux avoir un stagiaire. Requestion des statuts, hein, quand même. Mais ça signifie clairement que si vous êtes intéressé sur ces questions-là, ce serait bien qu'on reste en contact, parce que c'est possible que moi, à ce moment-là, je vous recontacte directement sur cette question des littératies et des compétences. On va peut-être s'en tenir là. Ils sont tous totalement épuisés. Remarque, question. Je voulais juste ajouter, parce que vous avez parlé de bon sens à un moment, par rapport à la conservation de données, je dirais aussi, je suis un peu un contre-exemple, parce que je ne sais pas du tout coder, j'enseigne digital humanities. Il y a aussi une nécessité, comme le bon sens, l'ouverture d'esprit, simplement. C'est-à-dire être capable de décloisonner, de s'adresser aux personnes compétentes dans les différents secteurs et ne pas être fermé à l'outil numérique. Ça, c'est pas une question d'âge, on l'a vu avec Facebook et tout ça, mais c'est peut-être plus une question d'éducation. On retombe aussi sur quelque chose. Est-ce que dès l'école, on commence à ne pas discréditer les mots? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu à la mode, ça rapporte de l'argent dans les différents laboratoires éventuels, mais ça reste quand même très discrédité. Moi, je sens ça au niveau d'enseignement, avec, je parlais ce matin avec plein de collègues, Internet, ce qu'on trouve, c'est pas fiable. L'outil numérique, c'est du gadget, ou alors c'est un truc d'informaticien, de geek. Bref, déjà, ces cloisons-là, elles bloquent aussi la réflexion sur les compétences qu'on pourrait défendre, parce que finalement, ce n'est pas des compétences importantes. Enfin, voilà, donc il y a un peu d'ouverture d'esprit aussi. Et là, le DATCAM, c'est très bien, parce qu'on parle tous, on prêche tous entre convaincus, on est tous dans plus ou moins de différence, mais dans le même sens. Mais ce qui serait bien, c'est de faire aussi, comme disait ce matin, du lobbying à l'extérieur pour arriver à avoir un changement d'état d'esprit sur les décideurs. Bien sûr qu'il y a des niveaux, de toute façon, ça, il y a des niveaux de compétences. Et il y a souvent une expression qui est employée à propos des digital humanities, c'est une sorte d'avant-garde, quelque chose comme ça. Mais au sens d'une avant-garde artistique, par exemple. C'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui expérimentent, et puis en même temps qui cherchent à militer en faveur de valeurs, en faveur d'une esthétique, je ne sais pas. Une façon de faire. Une façon de faire. Façon de faire, façon de ne plus faire, 17h27, j'entends encore des voix dans la salle d'à côté, j'imagine qu'il y a encore des bouteilles d'eau, peut-être un peu mieux encore en bas. Nous avons tous rendez-vous pour l'allocution de clôture, pour dire quelque chose qui n'est pas tout dans l'esprit. Je pense qu'on se retrouve tous dans l'amphi brièvement, je crois que c'est ce qui est prévu. Hein. Est-ce que c'était fixé à 17h30 ou à 18h? Parce que ça figure plus sur le programme en réalité. C'était 17h30, tu as vérifié? Bon, alors, je vous propose que nous y allions. Merci beaucoup.